Les Africains sont éveillés et l'Occident ne peut pas aller en troisième guerre mondiale. Pour que l'Occident puisse aller en troisième guerre mondiale, il faut d'abord détruire les alliés de la Russie ici. Et ça, c'est le rôle qu'on a confié à Alassane Ouattara. Vous avez vu que lorsque Gbagbo était président en Côte d'Ivoire et que la France-Afrique ne marchait pas, les prérogatives que les anciens présidents ivoiriens exécutaient étaient confiées à Blaise Compaoré. C'est comme ça que la France-Afrique marche. Mais sinon, c'est la Côte d'Ivoire. Je parle bien des chefs d'État, pas de mes frères et sœurs, mes dignes frères et sœurs braves de la Côte d'Ivoire. Parce que la France estime aujourd'hui que Ouattara est devenu un incompétent, un incapable de la France-Afrique qui a échoué, sur lequel ils ont investi. Afrique Média, le monde, c'est nous.